D'accord, donc on va reprendre avec, j'accueille, je vous prie d'accueillir Marlène Jouan, qui nous vient de, du laboratoire Philosophie, Langage et Cognition de l'Université de Grenoble et nous, nous présente une conférence intitulée « L'autonomie personnelle, hantée par le spectre de la liberté négative, contre-proposition à l'aune des conditions de l'identité pratique ». Merci. Merci. Bon, je commencerai par remercier Marie et Delphine, voilà, pour m'avoir invitée à ce colloque où, pour ma part, j'apprends plein de choses parce que mes recherches sont quand même plutôt centrées en philosophie morale et un peu moins et moins en philosophie politique. Et du coup, mon propos est peut-être un petit peu décalé par rapport à la majorité des contributions, puisqu'en fait, je vais traiter du concept de liberté négative de manière critique, mais plutôt dans le champ de la psychologie. Et moins dans le champ de celui de la philosophie politique, même s'il y a des implications, voilà, aussi, mais finalement, entre les deux. Alors, pour cerner bien exactement le domaine du coup de mon intervention, je ferai référence à l'ouvrage de Philippe Pettit de A Theory of Freedom, qui est paru en 2001, avec le sous-titre From the Psychology to the Politics of Agency. Et il y distingue les débats relatifs au problème de la liberté de la volonté d'une part, free will, et ceux qui relèvent du problème de la liberté politique d'autre part. Il a une autre formulation pour cette distinction, il distingue la liberté dans l'agent, freedom in the agent, de la question de la liberté dans l'environnement de l'agent, freedom in the environment of the agent. Et c'est donc la première en fait qui va essentiellement retenir mon attention. Alors après, on peut faire des distinctions un peu plus fines, puisque Pettit, toujours, distingue trois dimensions, trois niveaux d'analyse, en fait, quand on parle de la liberté dans l'agent. Le premier niveau, on peut s'intéresser à un premier niveau aux conditions de la liberté de l'action, qui sont en fait aussi les conditions d'imputabilité de l'action à son auteur. On peut aussi s'intéresser aux conditions de la liberté du moi, freedom of the self, conditions qui sont celles, cette fois, de l'appropriation de l'action par son auteur ou de la reconnaissance de ses actions par l'agent comme sienne. Et puis, il y a un troisième niveau d'analyse possible. Ce sont, cette fois-ci, on s'intéresse aux conditions de la liberté de la personne. Et là, on va prendre en compte les déterminations ou les influences qui peuvent influencer la conception qu'a l'agent de lui-même et qui peuvent, entre autres choses, biaiser, du coup, le processus d'appropriation qui a lieu au second niveau d'analyse. Alors moi, je vais me concentrer plus exactement sur la freedom of the self, donc la liberté du moi, donc en fait sur les conditions intrapersonnelles de la liberté. En gros, l'idée, c'est une question simple, c'est quel type de relation à soi, par contraste avec la relation au monde et les relations à autrui, quel type de relation à soi est requis pour dire qu'un agent est libre. Alors, ça revient en fait à réexaminer ce que Berlin, dans son essai de 1958, tenait pour une vérité évidente, à savoir que toute idée de la liberté présuppose une conception du moi. Alors, bon, quelques raisons pour justifier ce point-là, ce point d'intérêt. C'est que c'est à cet endroit-là, sur la conception du moi, justement, qu'on portait une partie des objections qui sont adressées par Berlin lui-même au concept de liberté positive. Alors, selon Berlin, le concept de liberté positive serait solidaire d'un dédoublement de la personnalité, ou, c'est des expressions qu'il emploie lui-même, hein, d'une dichotomie entre deux moi, un moi dominant et un moi dominé. Alors, en retour, c'est également à cet endroit-là qu'on portait une partie des objections adressées au concept négatif de liberté, cette fois. Alors, notamment celle de Charles Taylor dans l'article « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans... » enfin, « What's wrong with negative liberty ?» auquel a fait allusion Catherine Audard, je crois, hier. Et inversement, Charles Taylor donc, reproche à la conception du « moi » sur laquelle s'adosse la liberté négative d'être adossé à une psychologie morale trop sommaire, trop simple. En fait, la conception du moi qui sous-tend la liberté négative n'aurait pas la grammaire adéquate pour soutenir les aspirations contenues dans l'idéal d'accomplissement ou de réalisation de soi. Donc voilà, il y a un point de discussion important. Et puis j'ajouterais que c'est aussi à cet endroit-là, sur les relations intrapersonnelles, que porte une partie des objections qui viennent aujourd'hui de la philosophie de l'action contemporaine ou de la philosophie morale contemporaine, des objections qui sont adressées à l'idéal d'autonomie ou à l'idéal de liberté autodéterminée. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est que les deux types d'accusations que je viens de mentionner, en fait, sont mêlés. Voilà, dans ces objections qui sont aujourd'hui adressées au concept d'autonomie. Alors, liberté autodéterminée, je précise, c'est une expression qui vient de Charles Taylor. Hein. C'est un synonyme dans son vocabulaire d'autonomie qu'il distingue de authenticité. Alors, cette situation-là montre que les rapports, en fait, entre d'un côté les deux concepts de liberté formalisés par Berlin et de l'autre celui d'autonomie ne sont pas vraiment clairs. Donc, en fait, je vais surtout essayer de procéder à une sorte de désembrouillage conceptuel, enfin, voilà, éclaircir un petit peu les choses. Alors, il y a une thèse à l'arrière-plan que je voudrais défendre. C'est qu'une partie des théories de l'autonomie qui sont aujourd'hui disponibles, alors pas seulement en philosophie, mais j'entends plus largement dans, je dirais, l'imaginaire social dominant, eh bien ces théories, ça explique le type de mon intervention, elles sont, je dirais, hantées par le spectre de la liberté négative. Et je crois qu'une partie du scepticisme dont le concept d'autonomie ou dont l'idéal d'autonomie fait l'objet actuellement en philosophie, s'entretient justement d'une certaine confusion entre voilà, l'idée d'autonomie et l'idée de liberté négative. Alors, ce scepticisme, je précise encore une fois, il se veut critique, c'est-à-dire critique à l'égard de ce qu'on appellerait l'idéologie de l'autonomie ou de ses formes institutionnalisées, c'est-à-dire en fait l'idéal d'autonomie qui prévaut aujourd'hui dans différentes sphères du monde vécu, la sphère du travail, la sphère des politiques publiques, la prise en charge de la dépendance, l'équipe médicale, ce genre de choses. Voilà, donc ce sera la thèse que j'essaierai de défendre, que je défendrai en arrière-plan de la discussion de la conception du moi à l'œuvre dans la conception négative de la liberté et la conception positive de la liberté. Alors je vais revenir dans un premier temps sur la manière dont Berlin mobilise ou pas la notion d'obstacle interne à la liberté. Je pense que c'est pas toujours très clair, en fait. Et puis, dans un deuxième temps, je montrerai que la prise en compte de ces obstacles internes peut nous emmener, en fait, très très loin de l'idée d'autonomie. Parce qu'en général, on associe la liberté positive à l'idée d'obstacle interne, on va en tenir compte, alors dans la liberté négative, on n'y en tiendrait pas compte. Alors, je me serais de montrer qu'on peut prendre en compte ces idées d'obstacles internes, et ça nous emmène pas forcément du tout du côté de la liberté positive, en fait. Et puis, dans un troisième temps, j'esquisserai quelques-unes des conditions qu'un concept de liberté doit satisfaire pour pouvoir prétendre être un concept d'autonomie. Voilà. Alors, je commencerai par citer une affirmation du célèbre essai de Berlin, Two Concepts of Liberty, une affirmation qui, à première vue, conteste l'intitulé même de cet essai. Alors, on la trouve dans la section 6 de l'essai, où Berlin cherche à distinguer l'idéal de liberté de l'idéal de reconnaissance. Et il affirme, à un moment, que le sens ultime de la notion de liberté, aussi bien positive que négative, est la mise à distance de quelque chose, obsession, crainte, névrose, force irrationnelle, ou de quelqu'un, intrus au despote en tout genre, qui empiète sur mon domaine réservé ou m'assujettit à son pouvoir. Alors, je pense que, telle quelle, cette affirmation peut donner lieu à deux interprétations différentes, et qui renvoient d'ailleurs à des critiques aussi différentes qui ont été adressées à Berlin. Alors, première interprétation, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle soutient que reconnaître que la mise à distance de quelque chose ou de quelqu'un, alors, quand je dis de quelqu'un, ce quelqu'un fut-il une partie de moi-même, finalement, voilà, pas forcément quelqu'un d'autre. Donc, reconnaître que cette mise à distance constitue le sens ultime ou l'essence, puisque en anglais c'est « essence » de la liberté, eh bien, ça revient à admettre qu'en réalité, il n'y a qu'un seul concept de liberté, celui de l'absence de contraintes, qu'elles soient internes ou externes, qu'elles se trouvent dans l'agent ou bien dans son environnement. Alors, cette interprétation-là pourrait s'appuyer sur d'autres passages ambigus de l'essai de Berlin, mais aussi sur l'introduction de « Four Essays on Liberty », Et Berlin souligne à un moment donné que les deux questions qui sont censées distinguer les deux concepts de liberté, alors par quoi suis-je gouverné pour la liberté négative, jusqu'où pardon, l'inverse, par quoi suis-je gouverné pour la liberté positive et jusqu'où suis-je gouverné par la liberté négative, ou bien qui est le maître pour la liberté positive et de quoi suis-je le maître pour la liberté négative. Donc il dit que ces questions ne sont pas identiques, bien sûr, mais qu'en même temps, elles ne peuvent pas non plus être totalement distinguées. Et puis, bon, comme vous savez tous, il est facile évidemment de constater que l'essai de Berlin oscille en fait entre l'idée que la distinction entre les deux concepts serait d'ordre strictement logique, et puis l'idée quand même assez différente selon laquelle en fait cette distinction serait plutôt le produit historique de leur prise en charge par des traditions philosophiques et des doctrines politiques différentes. Alors si on insiste plutôt sur la deuxième idée, la distinction est un produit historique, eh bien on va être tenté, comme le suggère la traduction française d'ailleurs de l'essai, de conception de la liberté, on pourrait être tenté de reprendre la distinction de Rawls devenue classique entre concept et conception, et de dire, et on pourrait se dire, il faut parler en fait de deux conceptions effectivement de la liberté au sens technique du terme, et pas de deux concepts. Mais bon, il y a plusieurs indices dans l'essai de Berlin qui montrent qu'il trouverait une telle façon de nommer la démarcation très, très trop faible. Alors je pense que plus fondamentalement, cette oscillation entre une distinction logique ou une distinction qui serait un produit historique de tradition, d'interprétation différente, cette oscillation, elle révèle que, à l'instar de d'autres concepts, comme le concept de justice ou le concept de démocratie, eh bien le concept de liberté fait partie de ces concepts que Walter Bryce Gully a qualifiés d'essentiellement contestés. Et à ce titre, on ne peut pas, contrairement peut-être à ce qui a été dit ce matin tout à l'heure, on ne peut pas les articuler de manière justement axiologiquement neutre ou politiquement neutre, et que l'usage de ces concepts, donc, dont les concepts de liberté, est nécessairement controversé, concurrentiel, offensif ou défensif. Et je crois qu'en fait, la formulation justement que j'ai citée, que donne Berlin du sens ultime de la liberté, sens ultime qui serait commun à ces deux variantes, positive et négative, eh bien, cette formulation, elle n'est pas neutre, justement. Elle implique, en fait, de déchiffrer le concept de liberté selon une syntaxe dyadique, par contraste avec la syntaxe triadique de la liberté qu'a rappelé Constance tout à l'heure, syntaxe triadique dégagée par McCallum. Puisque, pour McCallum, s'il n'y a qu'un seul concept de liberté, c'est que, logiquement, ce concept met en relation trois variables, comme on l'a vu tout à l'heure. Un agent, les fins qu'il se propose et les contraintes qui l'empêchent d'atteindre ses fins. Or, pour Berlin, on sait que les fins constituent « one thought too many », une pensée de trop, en fait. Je le cite, hein, il me dit qu'un homme n'a pas besoin de connaître la façon dont il usera de sa liberté, c'est-à-dire, en fait, d'avoir conscience de ce à quoi elle pourrait lui servir ou des désirs qu'elle pourrait lui permettre de satisfaire. Donc, il n'a pas besoin de connaître la façon dont il usera de sa liberté. Simplement, il désire se libérer du joug qu'il opprime. Alors, peut-être pour aller directement au but, l'idée de Berlin, c'est qu'inclure un élément téléologique dans la structure du concept de liberté, c'est d'ores et déjà faire pencher la balance du côté de la liberté positive, qui est non pas absence de contrainte, mais liberté en vue de quelque chose. Et donc, selon Berlin, c'est déjà en fait préparer un terrain favorable au retournement de la liberté en son contraire. Alors, réciproquement, évidemment, écarter la pertinence des finalités de l'agent, c'est d'ores et déjà faire pencher la balance du côté de la liberté négative. Et la formulation, du coup, de ce que les deux concepts de liberté auraient en commun suggère clairement que le vrai sens de la liberté, quel que soit l'adjectif, en fait, qu'on lui accole, est celui de la liberté négative. Alors, Berlin, il me semble, dans l'introduction de Four Essays on Liberty, fait des efforts pour essayer, alors peut-être pas de démentir totalement ses conclusions, mais pour l'atténuer. Hein. Mais je pense que certaines d'autres affirmations ne laissent pas vraiment planer le doute à cet égard. Il y en a une qui est très emblématique. Il écrit, par exemple, que être libre, c'est être ni enchaîné, ni emprisonné, ni esclave d'autrui. En conséquence de quoi, tous les autres sens du mot liberté ne sont que des extensions de son sens fondamental ou alors des métaphores. Donc ça, c'est pour la première interprétation, donc l'idée que, en fait, distinguer obstacle interne et obstacle, enfin, dire que le sens ultime de la liberté consiste en la mise à distance de quelque chose, voilà, revient à dire qu'il n'y a qu'un seul concept. Alors, la seconde interprétation est tout à fait différente. Là, on pourrait dire qu'il y a bien deux concepts de liberté, l'un négatif et l'autre positif, mais la prise en compte des obstacles internes à la liberté, en plus des obstacles externes, eh bien, n'est pas la pierre de touche de cette distinction. Ce qui veut dire que la prise en compte des obstacles internes donc, n'est pas une condition suffisante pour isoler le contenu positif du concept de liberté. Alors évidemment, il y a beaucoup d'affirmations dans le texte de Berlin qui peuvent faire douter de la viabilité d'une telle interprétation, hein, puisque Berlin donne des définitions de la liberté négative qui n'accordent pas le moindre droit de cité aux entraves psychologiques à la liberté. Celle que j'ai donnée tout à l'heure rentrerait très bien là-dedans. Bon, y en aurait d'autres, hein. Par exemple, la liberté n'est que l'espace à l'intérieur duquel un homme peut agir sans que d'autres l'en empêchent. Il faudrait surtout ajouter sa définition de la contrainte, en fait, une définition très restrictive qui s'inscrit évidemment, qui est en droite ligne avec qui est en bonne orthodoxie au bayésienne, exclut notamment les incapacités donc internes à l'agent. Je le cite à nouveau, la contrainte implique l'intervention délibérée d'autrui dans l'espace à l'intérieur duquel je pourrais normalement agir. Alors évidemment, ce concept de liberté-là tient pour acquis que la relation qui prévaut entre les deux variables en fait en jeu dans la structure dyadique de la liberté est une relation sociale ou interpersonnelle, entre un agent et une intervention délibérée d'autrui extérieure. Alors, on pourrait néanmoins, peut-être, décliner cette relation sur un plan, cette relation dyadique sur un plan intrapersonnel. Alors, on ne peut pas conserver conception dyadique de la liberté, même en se focalisant sur la relation à soi. C'est-à-dire, on pourrait décliner cette relation sur un plan intrapersonnel sans se mettre hors de portée de la question de quoi suis-je maître, ou quelle est l'étendue du domaine à l'intérieur duquel je suis ou je devrais être mon propre maître. Alors, il suffit tout simplement d'élargir ce domaine, d'inclure le moi de l'agent. Pour reprendre une formule de Freud, eh bien, il suffira de se demander alors si je suis maître dans ma propre maison. Alors, Berlin suggère qu'une telle interprétation serait possible, puisque juste après avoir dressé le premier portrait de l'agent qui désire être libre au sens positif et pas seulement négatif du terme, il souligne que la liberté qui consiste à être son propre maître et celle qui consiste à ne pas être entravée dans ses choix par d'autres peuvent, à première vue, sembler deux concepts très proches l'un de l'autre, deux façons, une façon positive et une façon négative, de dire la même chose. C'est-à-dire, en fait, de dire l'absence de contraintes, encore une fois, d'où qu'elles viennent. Alors, et pour renforcer cette suggestion-là de Berlin, qu'ensuite il éclipse, il y a une remarque intéressante que j'ai notée de Quentin Skinner, dans un article de... un article qui consacre à l'idée d'un troisième concept de liberté, justement au-delà de la distinction classique. Il dit qu'en fait, effectivement, l'idéal de maîtrise de soi ne nous fait pas en tant que tel franchir le seuil distinctif de la liberté positive. Alors je le cite, même si la notion d'obstacle interne étend la gamme des éléments qui peuvent servir de contrainte, il s'agit toujours du besoin de se débarrasser d'un élément de contrainte pour pouvoir agir librement. Par conséquent, il s'agit toujours d'une liberté négative. Alors, est-ce que c'est bien le cas ? Il est quand même assez évident que s'il s'agit toujours de liberté négative, cette idée-là de liberté négative est désormais nettement moins hostile à la liberté positive que la précédente. Puisqu'il est quand même difficile de donner un sens cohérent à la notion d'obstacle interne ou à la possibilité que l'agent ou qu'un élément dans l'agent soit lui-même l'obstacle à sa propre liberté sans faire référence à l'usage qu'il souhaite faire de sa liberté ou aux finalités qu'il poursuit. Abstraction faite de ses finalités, on ne voit pas très bien comment l'agent pourrait éprouver telle ou telle de ses motivations comme une contrainte, comme un joug qui l'opprime, pour reprendre Berlin. Alors, j'imagine que vous connaissez l'article de Taylor, c'est précisément à cet endroit-là, que, c'est-à-dire dans la relation de dépendance entre la liberté et les contraintes internes, justement, que va s'insérer la stratégie assez oblique de Taylor pour contester la ligne de démarcation tracée par Berlin entre les deux concepts. Et alors nous dit que dès qu'on reconnaît cette relation de dépendance, eh bien, on doit reconnaître que le concept de liberté négative peut tout à fait, mais sans se dénaturer, tout en restant un concept de liberté négative, être un concept d'exercice et pas seulement un concept d'opportunité, ou dans les termes de Taylor, être un concept d'accomplissement et pas seulement un concept de possibilité. Alors, je cite juste un passage. Donc il écrit, si nous voulons nous représenter les obstacles internes sur le même temps que les obstacles externes, être en position d'exercer sa liberté, en avoir la possibilité, suppose que l'on s'emploie à lever ces obstacles internes. Or, ce n'est pas possible sans s'être soi-même accompli dans une certaine mesure. Par conséquent, la possibilité d'être libre implique que je sois déjà en train d'exercer ma liberté. Alors, dans cette perspective, évidemment, les variantes de la liberté négative qui ne prennent en compte que les obstacles externes sont des versions extrêmes, caricaturales de ce concept-là, et en fait des versions qui sont aveugles au fait que la hiérarchie axiologique des finalités poursuivies par l'agent informe d'ores et déjà leur appréciation de la légitimité des obstacles externes qui sont mis à sa propre liberté. Donc ces obstacles, il faut d'ores et déjà les qualifier pour voir voilà, dans quelle mesure ils entravent ou non ma liberté. Donc même, en fait, le concept de liberté négative, en ce sens-là, implique une référence aux finalités, à une hiérarchie, et hiérarchie des finalités. Alors, en mobilisant cette stratégie-là de contestation, qu'est-ce que veut faire Taylor ? Taylor, il veut en fait montrer qu'à partir du moment où on définit la liberté comme possibilité de faire ce que l'on veut, ou d'agir selon ses désirs, eh bien, on ne peut pas ne pas franchir le pas supplémentaire qui consiste à mesurer à l'aune à mesurer la liberté à l'aune de ce que l'agent veut ou désire vraiment. Ce qui revient à opposer aux partisans de la liberté négative que leur propre idéal présuppose, quoi qu'ils en aient, un souci de réalisation de soi. Mais en fait, on peut mobiliser une stratégie assez analogue pour montrer, toujours en reconnaissant la pertinence des obstacles internes à la liberté, eh bien, on peut montrer que ce concept de liberté présuppose également un souci de gouvernement de soi, pas seulement de réalisation de soi. Parce que là, alors, on pourra dire que si la métaphore de la maîtrise de soi elle est intelligible, eh bien, c'est qu'elle renvoie aussi à l'exercice de certaines capacités sans lesquelles l'agent serait moins capable ou incapable d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Ce qui suppose de rechef qu'il ait identifié ses objectifs ou qu'il sache ce qu'il veut. Et on dira ensuite qu'il est assez évident que si on ne précise pas que l'agent a lui-même déterminé le contenu de sa volonté, eh bien, la métaphore de la maîtrise de soi pourra être utilisée dans l'éloge du bon soldat. Alors, le bon soldat est disposé à obéir aux ordres, mais il n'est pas pour autant en mesure d'être l'initiateur de ses ordres ni de leur donner contre-ordre. Donc on pourrait passer de cette manière, on pourrait passer assez naturellement, simplement en tirant toutes les implications de l'élargissement ou de l'approfondissement de l'idéal encore négatif de liberté. Si on en tire toutes les implications, on pourra passer naturellement à l'idéal positif cette fois d'autonomie, d'après lequel les commandements auxquels obéit l'agent sont ses propres commandements. Alors, le problème, bien sûr, il y a deux problèmes, c'est que dans ce contexte, la signification de propre est tout à fait obscure, pas claire du tout. Puis il y a une deuxième difficulté, c'est que la conception justement du moi ou de l'agent à laquelle aboutit l'extension de la gamme des éléments susceptibles de servir de contrainte, cette conception du moi peut fort bien retirer à l'idée même de propre toute signification. Donc, je vais commencer par le second problème et puis je reviendrai au premier. Premier après. Alors, pour donner un petit peu de consistance là, à cette hypothèse, c'est-à-dire donc à étendre la gamme des éléments de contrainte aux obstacles internes, on va retirer finalement toute signification, l'idée même de propre commandement. Je vous propose un détour par un court article d'Harry Frankfurt. Alors, les réflexions d'Harry Frankfurt sont généralement assez éloignées des agendas de la philosophie politique. Mais il lui arrive occasionnellement de faire un peu le lien entre la liberté dans l'agent et la liberté dans l'environnement de l'agent. Et c'est le cas en particulier dans un article qui s'intitule « On the Necessity of Ideals », qui est paru en 1993 initialement, et qui a été reproduit dans son ouvrage « Necessity, Volition and Love ». Alors, dans cet article, Frankfurt soutient que la liberté négative et la liberté positive ne sont pas seulement deux concepts différents, mais deux concepts en tension, voire en conflit réciproque. Ce qui veut dire que si on a enrichi le concept de liberté négative de la prise en compte des obstacles internes, eh bien, on risque de voir celui de liberté positive en réalité se dissoudre purement et simplement. Donc prendre en compte les obstacles internes ne nous emmène pas du côté de la liberté positive, mais en fait retire voilà, tout sens à ce concept. Alors Frankfurt, lui, utilise une terminologie un peu plus tranchée, qui moi m'intéresse pour le propos. Il écrit en fait qu'il y a, il soutient qu'il y a un seuil à partir duquel la quantité de liberté que pourrait idéalement souhaiter un agent le prive des conditions de possibilité d'un choix autonome. Donc il ne dit pas liberté négative, liberté positive, mais freedom, autonomie. Alors pour le montrer, il a recours à une petite expérience de pensée. Il nous dit, imaginons un agent dont le champ d'opportunité n'a pas seulement été étendu, mais n'a plus aucune frontière. C'est-à-dire, imaginons un agent qui peut choisir d'accomplir, selon sa volonté, n'importe quelle action concevable, qui ne rencontrera jamais voilà, aucun obstacle voilà, à ce qu'il veut faire. Alors, si vraiment toutes les contraintes qui pourraient faire obstacle à ces choix sont levées, eh bien, on peut envisager que, parmi toutes les actions éligibles, certaines eh bien, vont concerner directement ses désirs ou ses préférences, ou en tout cas vont affecter voilà, ses désirs ou ses préférences. Frankfurt écrit ainsi que cet agent, en fait, aura la possibilité de changer ces aspects de sa nature qui déterminent ses choix. En fait, il sera en position de reconfigurer sa volonté. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que poussé à son extrême limite, l'idée de liberté négative comprise comme absence totale de contraintes internes et pas seulement externes, eh bien, c'est-à-dire en fait l'idée que les motivations de ses propres actions seraient elles-mêmes des options, voilà, pour l'agent. Eh bien, cette idée implique en fait la dissolution de l'identité pratique de l'agent. Voilà, c'est-à-dire du sujet du choix. Puisque, c'est quoi l'argument de Frankfurt que je résume, en fait, celui qui peut faire de sa volonté ce qu'il veut qu'elle soit, qui peut former et transformer ses désirs comme bon lui semble, eh bien, par définition, il ne s'identifie à aucun de ses désirs. Et donc, par conséquent, il n'est pas en position de distinguer et de hiérarchiser, parmi les contenus de sa volonté, ceux qui lui sont propres de ceux qui lui sont adventices, hein, ou ceux qui sont les siens au sens normatif du terme, et pas seulement au sens descriptif, au sens où ce n'est pas ceux du voisin. Voilà. Et donc, a fortiori, ce même agent n'est pas non plus en mesure d'effectuer des choix qui seraient guidés par les désirs auxquels il s'identifie au sens normatif, plutôt que par les désirs auxquels il ne s'identifie pas, même s'ils lui appartiennent. Alors, on peut dire qu'il y a encore... qui conserve peut-être une capacité de choix, néanmoins, entre les possibilités qui s'offrent à lui, mais, de son propre point de vue, les décisions qu'il prendra seront en fait arbitraires. De son propre point de vue, c'est ça qui est important. Alors, l'enseignement à tirer de ce petit scénario est assez simple, enfin, un des enseignements, c'est qu'en fait, l'extension radicale de la sphère au sein de laquelle je suis mon propre maître... Hein, jusqu'à pouvoir choisir non seulement de faire ceci ou cela, mais vraiment de vouloir faire ceci ou cela. Eh bien, cette extension radicale retire à cette métaphore toute intelligibilité et retire même à l'idée de gouvernement de soi toute intelligibilité. Alors, maintenant, évidemment, ce petit scénario n'est pas une pure invention de la part de Frankfurt. Frankfurt n'a pas pour habitude de citer beaucoup ses références voilà, en histoire de la philosophie. Bon, il y a une référence évidemment assez évidente à Hobbes, mais en même temps, Hobbes ne parlait pas de la liberté ou de la volonté. Dans le fond, il parlait de la liberté d'action, donc à la limite, ce n'est pas son problème. La référence, en fait, elle est à Sartre, plus fondamentalement, et puis à pas mal de conceptions de l'autonomie, de versions existentialistes de l'autonomie qui sont justement dominantes voilà, dans une certaine idéologie, dans beaucoup d'institutions justement de l'autonomie aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est paradoxal en tout cas dans la terminologie utilisée, c'est que l'auteur de L'être et néant considérait, je cite quand même une phrase, que le concept technique et philosophique de liberté signifie seulement autonomie du choix. Et Frankfurt soutient que Sartre n'en est pas moins un héritier direct de Hobbes qui soutenait que la liberté signifie proprement l'absence d'opposition. Alors le fait que par opposition il faille entendre les obstacles intérieurs et pas seulement extérieurs au mouvement, ça ne change rien au fond de l'affaire, ça ne fait que la radicaliser. Puisque, en fait, là aussi je vais un peu vite, hein, mais L'idée est simplement que les obstacles intérieurs dans une version de l'autonomie à la Sartre ne limitent pas proprement ma liberté, puisqu'ils n'ont en fait d'obstacle que le nom. Ils n'apparaissent pas finalement comme tels à l'agent, malgré lui, relativement aux fins qui sont les siennes, mais il appartient à l'agent d'accorder ou non ce statut à ses motifs et ses mobiles en fonction des fins qu'il choisit lui-même en même temps. Alors il y a un propos, quelques remarques intéressantes sur cet aspect-là, sur cette dimension-là de la liberté négative et cette généalogie, dans le dernier ouvrage d'Axel Honneth, Das Recht der Freiheit, qui souligne effectivement que même si évidemment les raisons pour lesquelles les faiblesses de la volonté, par exemple, ou des pressions psychiques n'ont pas à être considérées comme des restrictions de la liberté, ces raisons-là sont très différentes chez Sartre et chez Hobbes, bien sûr. Néanmoins, on retrouve ici, il y a bien un fil directeur entre les deux conceptions, puisque chez Sartre, ces obstacles internes, en fait, sont à leur tour l'expression d'un choix, par lequel l'homme décide à chaque fois de la possibilité d'existence qu'il doit embrasser. Donc à chaque fois qu'il prend une décision quelconque, l'agent rejoue sa propre identité qui est inscrite au régime d'une contingence radicale. Il se choisit lui-même dans ce que Vincent Descombes appellerait un acte d'auto-opposition, qui ici n'est pas même réflexif, mais qui est purement performatif, on le dit à chaque fois. Donc il y a ces figures-là dans l'histoire de la philosophie, ici une généalogie qui est très différente de la généalogie de Berlin. C'est pour ça que j'insiste un petit peu, parce qu'en fait on pourrait faire de Sartre un des représentants de la liberté positive. En fait, tout en partant de Kant, on peut arriver en passant par Nietzsche aussi à Sartre, et on a un destin très différent de la liberté positive. Cette généalogie, on la retrouve par exemple tracée par quelqu'un comme Iris Murdoch, qui s'est très très loin de Berlin sur ce qui est devenu cette idée d'autodétermination chez Kant. Deux destins très différents, en fait. Un destin qui, chez Berlin, mène au totalitarisme. Pour Murdoch et d'autres, en fait, le destin de la liberté positive, c'est un destin individualiste et hyper subjectiviste, pas du tout totalitaire. Alors, dernière remarque sur Francfort, pour revenir au petit scénario qu'il nous a proposé tout à l'heure. C'est qu'en fait, on ne voit pas très bien ce qui distingue l'agent parfaitement libre dont il fait le portrait de celui qu'il qualifie ailleurs, dans un article très connu de Wanton, ou d'irréflexif. C'est l'article en question, c'est la liberté de la volonté et le concept de personne. Je pense qu'il est cité à peu près partout dans la littérature sur l'autonomie aujourd'hui. On commence par citer Berlin, puis après on cite Francfort, c'est toujours à peu près l'ordre. Je suppose que ce personnage est assez connu, mais quand même, je rappelle sa caractéristique essentielle, c'est que sa propre volonté l'indiffère. Alors ses désirs le poussent à faire certaines choses, sans qu'on puisse dire de lui, écrit Francfort, ni qu'il désire être mu par ses désirs, ni qu'il préfère être mu par des désirs différents. Donc il se désintéresse de la question de savoir si ses désirs sont désirables ou non, il ne se demande pas quelle devrait être sa volonté, il ne fait d'agir que d'après la volonté qui est de facto la sienne, sans jamais prendre position à cet égard-là, que ce soit par oui ou par non. C'est-à-dire qu'en cas de conflit entre ses désirs, par exemple, il n'est pas en mesure, finalement, de dire qu'il a remporté une victoire ou de se lamenter sur une défaite, selon le désir qui va finalement l'emporter. En fait, il n'est pas davantage, un peu une métaphore, l'agent n'est pas davantage derrière l'un de ses désirs plutôt que derrière l'autre. Et aucun de ses désirs en conflit, en fait, n'exprime de manière privilégiée sa volonté. Aucun d'eux et aucun de ses désirs ne résiste non plus finalement du coup à ce qui serait en fait sa volonté. Alors Francfort lui-même, à proprement parler, en fait, cet agent ne prend pas part au conflit. Alors là, je cite un autre article où on retrouve cette problématique, mais Francfort écrit « Étant donné qu'il n'exerce aucune autorité en vertu de laquelle ou contre laquelle certains de ses désirs pourraient acquérir une légitimité particulière, ou en venir à constituer une partie essentielle de lui-même, les actions qui sont engendrées par l'écoulement de ses désirs sont parfaitement irréflexives, parfaitement identiques à celles qui sont accomplies d'après le dernier appétit dans la délibération. » Alors, ce que nous dit finalement Francfort ici, c'est que d'un point de vue pratique et psychologique, il n'y a pas de différence essentielle entre deux situations, c'est-à-dire entre la liberté d'un agent d'un côté qui pourrait suspendre à volonté toutes les motivations internes considérées comme faisant obstacle voilà, à la réalisation de ses choix. Parce qu'un tel agent se trouverait dépourvu de toute substance volitionnelle. Il n'y a pas de différence entre ce cas-là et un autre cas qui est celui de la liberté de l'agent qui ne dispose pas de la structure volitionnelle requise pour qu'il y ait un sens à parler d'obstacle. Finalement, un terme à sa propre volonté. En fait, on ne peut pas, ni dans le premier cas, ni dans le second cas, on ne dispose pas des conditions qui permettent de dire que l'agent agit ou non selon ses propres désirs. La distinction entre le propre et l'étranger ne trouve pas à s'appliquer. Et alors, du coup, l'intérêt de cette figure heuristique que constitue le grand homme, hein, ou l'irréflexif, eh bien, c'est de montrer que, contrairement à l'idée de liberté négative au sens strict, hein, mais contrairement aussi à l'idée existentialiste d'autonomie qui peut s'en inspirer, eh bien, cette idée d'autonomie ne peut pas être comprise sur le fond d'une allergie à la contrainte, en fait. Hein, puisque ce qu'on prend alors pour une illustration paradigmatique de l'autodétermination est en réalité une figure de l'indétermination. Alors, cela dit, et je m'achemine doucement vers la conclusion, il ne suffit pas non plus de reconnaître que l'autonomie ne s'oppose pas à la contrainte, mais la requiert, pour comprendre ce que cette allergie a de problématique. Alors, j'ai pas besoin de rappeler qu'évidemment, l'idée que l'autonomie a besoin de contraintes, c'est une condition qui satisfait parfaitement l'agent moral kantien. Hein. Néanmoins, l'autolégislation réflexive à Lacan, si vous voulez, parfaitement impersonnelle, elle fait de l'autonomie une notion privative encore, tandis que c'est l'hétéronomie qui est la notion positive en réalité. Puisque l'hétéronomie dérive ses principes de conditions substantielles, qui font référence nécessairement au désir empirique des agents, et donc des conditions privées qui ne sont pas valables pour tous. Et donc on voit bien avec Kant que posséder la structure réflexive requise pour que l'idée de gouvernement de soi ait un sens, ça permet de ne pas obéir à des commandements non arbitraires, mais ça a un coût, parce que ces commandements n'ont plus rien de propre. Donc il faudrait réussir à maintenir, à joindre, si vous voulez, l'idée de non-arbitraire, c'est-à-dire écarter la possibilité de l'agent qui se trouve en situation de liberté, liberté négative poussée à sa limite, et en même temps l'idée que l'individualité est un poids avec l'idée de contrainte. Comment articuler ces deux idées-là? Donc une autre manière de poser cette question, c'est comment distinguer finalement les bonnes contraintes des mauvaises contraintes? C'est-à-dire, en fait, les bons désirs des mauvais désirs, les unes donnant forme à ma propre volonté, donc des contraintes qui sont partie prenante de mon autonomie, et d'autres, au contraire, qui affectent ma volonté à la manière d'une puissance étrangère et aliénante. Alors, si en termes kantiens, on pourrait dire comment distinguer les Schrenken des Grenzen, finalement, dans l'autonomie. Alors là, il me semble, et c'est une remarque qui a été faite par Catherine Audard hier, qu'à cet égard-là, il y a une intuition très très forte dans l'essai de Berlin, dont il n'est pas si évident que ça de se débarrasser, même quand on veut faire, on n'est pas d'accord avec sa conception de la liberté positive. Non, ce qu'il montre, c'est que finalement, le problème de l'autodétermination du moi, eh bien, c'est toujours dissous dans l'histoire de la philosophie en un problème qui est différent, qui est celui de l'autodétermination de la raison. Et que du coup, les réponses, l'invention kantienne de l'autonomie a toujours surdéterminé les réponses qu'on peut apporter à la question de savoir quelles sont les bonnes ou les mauvaises contraintes. Alors, on sait bien que chez Berlin, il y a deux. Cette idée se traduit ensuite dans deux possibilités. Hein. Soit on supprime les désirs eux-mêmes, soit on s'assujettit à l'autorité de la raison ou aux lois qu'elle promulgue. Alors pour le dire de manière brève, en fait, l'idée d'agir selon ses propres désirs, c'est toujours diluée soit dans l'idée d'agir sans plus de désir du tout, à la limite, c'est-à-dire en fait ne plus agir du tout, c'est une des possibilités, une des voies, un des destins envisagés par Berlin, soit elle s'est diluée, l'idée d'agir selon ses propres désirs, dans l'idée d'agir selon ses vrais désirs, c'est-à-dire dans l'idée de faire passer une épreuve de vérité aux désirs par lesquels je pourrais devenir libre. Alors c'est quelque chose que Taylor évidemment admet complètement dans son article, parce qu'en fait il soutient que la version extrême de la liberté négative est intenable pour des raisons psychologiques, mais qu'en fait la version modérée de la liberté négative, qui prendra en compte les obstacles internes, est intenable pour des raisons épistémiques. parce qu'à partir du moment où on reconnaît que nos désirs doivent passer une épreuve de vérité, eh bien, évidemment, n'est plus, enfin, l'agent, les critères que sont censés satisfaire ces désirs ne sont plus à l'entière disposition de l'agent, par définition. Alors, c'est bien pour cette raison que le moyen, le moyen le plus court pour prévenir les usages politiques funestes de cette implication, agir sans plus de désir du tout ou agir selon ses vrais désirs, eh bien, est d'éliminer purement et simplement toute référence au désir du concept de liberté négative. Et c'est bien ce que fait Berlin dans la seconde version de Two Essays, The Two Concepts of Liberty, et dans l'introduction de Four Essays on Liberty. La liberté devient un état de choses purement objectif, constitué par les opportunités qui sont effectivement disponibles à l'agent, quelle que soit son attitude à son égard ou la valeur qu'il leur accorde. Alors, je voudrais juste m'arrêter, ça m'amènera vraiment à ma conclusion. Berlin s'est pas seulement corrigé lui-même, évidemment, quand il a fait ça, il a aussi corrigé une partie des auteurs de la tradition libérale dont il se revendique, dont Mill, évidemment, qui est un cas extrêmement intéressant, qui a aussi été évoqué hier. Puisque Mill soutenait que la liberté consiste à faire ce qu'on désire, mais aussi que, justement, la détermination de ce qu'on désire, ou de ce que je préfère, eh bien, est à la fois une condition de l'exercice réel de la liberté, mais aussi produit de cet exercice. Et donc, Mill appuyait très clairement sa défense de la liberté négative aussi sur la valeur de l'épanouissement personnel. Et donc, il reconnaissait que la liberté ne se résume pas aux possibilités ouvertes à l'action, et il ne semblait pas penser que la composante positive de la liberté, envisagée comme réalisation de soi, nous engageait sur la pente très glissante au bout de laquelle l'invocation des désirs de l'agent finit par devenir purement rhétorique, en réalité, comme Berlin le soutient. Mill associait, Mill dénonçait à la fois le rationalisme kantien et le conformisme, mais donc il associait l'idée d'individualité à la fois à celle d'affirmation de soi, mais aussi à l'idée de position critique à l'égard des normes institutionnalisées dans l'environnement de l'agent. Et donc c'est une position tout à fait opposée à celle de Berlin pour le coup. Je pense à une distinction ici de Searle qui est très classique, direction d'ajustement des désirs qui serait inverse de celle des croyances. Il me semble qu'on pourrait résumer les critiques que fait Berlin à l'idéal positif de liberté en disant que ça revient à inverser cette direction d'ajustement. C'est-à-dire la liberté positive, finalement, c'est toujours l'agent qui doit s'ajuster au monde et non pas le monde qui doit s'ajuster à l'agent. Mill soutenait précisément le contraire. Hein, défendre une conception positive de la liberté, voilà, en réalité, nous amener à défendre le contraire. Alors, je terminerai sur les implications politiques possibles de cette conception, d'une conception de la liberté positive inspirée de Mill. Alors, on pourrait prendre bien d'autres références dans l'histoire de la philosophie, mais c'est justement parce qu'elle est mobilisée par Berlin que je l'ai retenue. Ce qui est intéressant, c'est que les deux aspirations qu'articule ce concept de liberté positive se font contrepoids l'un à l'autre, me semble-t-il. C'est-à-dire, d'une part, on a l'idéal de réalisation de soi ou d'authenticité, qui suppose une identification, une intégration des désirs, et à travers cette intégration, les possibilités qui me sont offertes dans mon environnement deviennent ou non des possibilités pour moi, pour l'agent en question. Première aspiration. Et deuxième aspiration, l'idéal de gouvernement de soi, cette fois, ou d'autonomie. Et selon cet idéal, eh bien, le processus d'intégration des désirs perd sa valeur si la volonté de l'agent est soumise à la volonté d'autrui. Quand cette volonté ne force pas en réalité directement l'agent à faire ceci ou cela, pas plus qu'elle ne l'empêche d'agir autrement, mais elle le force à vouloir faire ceci ou cela, ou l'empêche de vouloir autrement. Alors, on peut alors remplacer la relation intrapersonnelle de domination que Berlin voit à l'œuvre dans la liberté positive par une relation d'expression à la Taylor, par exemple, mais on trouverait quelque chose comme ça chez Frankfurt aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette relation d'expression, elle a des garde-fous, si on retient un concept de Mill, c'est qu'il y a hétéronomie ou hétérodétermination lorsque la relation à soi ne fait que traduire l'intériorisation de rapports interpersonnels en réalité ou sociaux de domination, même quand ces rapports ne se traduisent pas par des limitations directes à l'exercice de mon libre arbitre. Alors, je conclue là-dessus. On voit bien, du coup, c'est pour ça que j'essayais ici, enfin, en filigrane, aussi d'opposer une critique à l'article de Taylor, enfin à la position de Taylor, c'est que la composante critique de l'idée d'autonomie introduit dans le concept de liberté positive une dimension négative. parce que, en fait, elle exige, l'idée d'autonomie, une transformation des institutions sociales et politiques qui sapent ou biaisent le processus d'identification à tel ou tel de nos désirs et qui rendent illusoire, du coup, l'idéal de maîtrise de soi. Non, mais évidemment, la position de repli, inversement, des partisans de la liberté négative interdit de formuler ce lien, voilà, entre la liberté dans l'agent et la liberté dans l'environnement de l'agent. Voilà, j'ai envie de dire plus de choses, mais j'ai déjà été un peu longue. Merci à vous. Malheureusement, il ne nous reste plus vraiment de temps pour les questions. Donc, on va aller... En mangeant. Moi on me donne des contraintes. Après ça, ceux qui font les contraintes ont le pouvoir de les déplacer. Je pense qu'on doit prendre 5 minutes pour les questions. Comme vous voulez. 5 minutes? Si vous me dites 5 minutes, je vais gagner. Est-ce qu'il y a des questions? Il est 13, on peut aller jusqu'à 18. Ça marche. Bah, moi, je suis pas c'est ça. Non. Vincent, commençons par ta question. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cet exposé. En fait, j'ai l'impression qu'on tourne, et c'est normal, parce qu'il y a un concept central qu'on aborde, c'était pas la guerre, malheureusement, mais on tourne souvent autour de même question, c'est que j'ai l'impression que la question de la définition de la liberté négative, c'est aussi une volonté d'en trouver une définition opératoire sur le plan des relations juridiques qu'on peut mettre en scène dans une société. Mm-hmm. Donc chez Berlin, c'est apparent. Chez John Stuart Mill aussi, en fait, avec la question du principe de non-nuisance, il faut essayer de limiter un peu l'extension qu'on pourrait donner à ce principe. Et j'ai l'impression que le problème posé dans l'exposé, c'est finalement de savoir jusqu'à quel point une contrainte dite interne peut être vraiment caractérisée comme interne. Puisqu'à la fin, dans la conclusion, on se rendait bien compte que si on veut retrouver un rapport à soi un peu authentique, il faudrait que le désir qu'on exprime ne soit pas la reproduction de quelque chose qui renverrait un rapport social, etc., et qui du coup renverrait une forme d'externalité. Oui. Donc est-ce que cette définition, finalement, qui... pas été aussi creusé que cela dans l'exposé, mais en même temps, je trouve qu'on comprend pourquoi, parce qu'il y a une netteté de la distinction, et puis on voit que petit à petit, plus on avance, cette netteté se brouille un peu. Question de contrainte interne, externe, faudrait faire peser. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a l'idée dans l'analyse même du concept de contrainte, parce que chez Berlin, finalement, la contrainte, c'est vraiment l'obstacle. Mais en fait, chez Frankfurt, c'est quand il dit on ne peut pas supprimer complètement les contraintes, sinon en réalité on perd l'agent lui-même de l'action, c'est l'idée que les contraintes, c'est aussi des possibilités d'action, c'est pas seulement des obstacles. Voilà, sans ces contraintes-là, en ce sens, il n'y a pas d'action possible puisqu'il n'y a plus d'agent. Donc ça, c'est un premier élément. Après, je n'ai pas développé du tout ici la conception de Frankfurt, mais on retrouverait le problème dont Constance a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, en Frankfurt, il y a une histoire, comment est-ce qu'on identifie ses désirs, comment est-ce qu'on identifie les bonnes et les mauvaises contraintes. Là, je n'ai pas donné de solution positive à ça, j'ai juste écarté une voie rationaliste à la Kant, ou une voie qui serait quand même très objectiviste à la Taylor. Mais il y a cette idée que dans ce processus d'identification, alors cette idée, j'identifierais ce que je veux faire à partir de désirs de second niveau, en l'occurrence chez Frankfurt, et bien de même que les valeurs à l'aune desquelles l'agent choisit de faire ceci ou cela, les désirs second niveau qui correspondent aussi à une manière non cognitiviste de nommer ces jugements de valeur, mais en réalité peuvent aussi incorporer, véhiculer effectivement des rapports sociaux externes, bien sûr. Et qu'en sens là, les contraintes internes ont une part d'externalité, enfin bien sûr. Oui, il y a ce qu'on considère comme des contraintes internes propres à l'agent, en fait, c'est des contraintes externes intériorisées. Donc on retrouve le problème de qu'est-ce qui constitue l'identité de l'agent lui-même en propre ou comme agent qui a une histoire, cette identité s'est construite au sein d'institutions. Alors la question en plus de l'autonomie, on retrouve la question classique de Castoriadis, mais l'autonomie ne peut pas se conquérir évidemment en dehors des institutions. Voilà. Et en même temps, les institutions sont aussi un des obstacles à l'autonomie. Surtout, je dirais, aujourd'hui, j'ai pas pu développer ça non plus, mais les formes de domination qui s'exercent sur les agents, ce n'est pas des formes de domination simples, comme dirait Boltanski, c'est-à-dire où on empêche finalement les agents d'agir par eux-mêmes, c'est des formes de domination beaucoup plus complexes, où on utilise leur désir d'agir de telle ou telle manière, donc on exploite leur propre désir d'autonomie pour leur faire faire telle ou telle chose. Voilà, alors là, on voit bien qu'effectivement, ces contraintes internes, en réalité, sont externes. Et oui, c'est un point oui, qui serait à, peut-être à centrer un peu plus là-dessus. Merci. On a le temps pour une autre question. Si, dernière. Non. En tout cas, on va suivre, j'imagine, Marie et Delphine vers le même restaurant universitaire d'hier. Ça marche. Et bon appétit. Merci beaucoup encore. Merci.